Constantinople. Avril-mai 1453. Homer. Dans un rayon de plus d'un kilomètre, des marteaux claquent, des haches s'abattent, des chameaux blatèrent sur tous les tons. Ils croisent des groupes de facteurs d'arc, de bourreliers, de cordonniers et de forgerons. Des tailleurs fabriquent des tentes à l'intérieur de tentes encore plus vastes. Des garçons se dépêchent de transporter des corbeilles de riz. Une cinquantaine de charpentiers sont en train de construire des échelles de siège à partir de rondins écorcés. On a creusé des fossés pour évacuer les déchets humains et animaux. L'eau potable est conservée dans des pyramides de tonneaux. À l'arrière du camp, une immense fonderie mobile a été aménagée. Venus de tous les coins du campement, des hommes s'approchent pour lorgner le canon géant qui reluit sur le plateau du chariot. Les bœufs, épuisés par ce tumulte, se serrent l'un contre l'autre. Clair de lune rumine tout en semblant somnolé, incapable de lever franchement la tête, tandis que son frère se couche sur le flanc près de lui, une oreille parcourue de tremblements. Inquiet, Homer enduit sa patte arrière gauche d'un mélange de salive et de feuilles de calendula broyées, comme l'aurait fait grand-père. Au crépuscule, les hommes qui ont convoyé le canon depuis Edirne se réunissent autour des chaudrons fumants. Un capitaine monte sur une estrade pour les assurer de l'infinie reconnaissance du sultan. Celui-ci leur fait savoir que, sitôt la ville conquise, chacun pourra choisir une maison et un jardin à son goût, ainsi qu'une épouse parmi les femmes. Toute la nuit, le sommeil d'Homer est haché par le vacarme des charpentiers, qui bâtissent un support pour y déposer le canon et une palissade pour le dissimuler au regard. Le lendemain, les attelages et leurs conducteurs passent la journée à le hisser à sa place. De temps à autre, un carreau d'arbalète descend en sifflant du parapet crénelé de la muraille extérieure pour venir se ficher dans une planche ou dans la boue. Maher brandit le poing face au rempart. « On a quelque chose d'un peu plus consistant à vous renvoyer !» s'écrie-t-il, faisant rire tous ceux qui se trouvent à portée d'oreille. Ce soir-là, dans le pré où ils emmènent brouter les bêtes, Maher trouve Homer assis sur un bloc de calcaire effondré. Il s'installe près de lui et gratte une croûte sur son genou. Leurs regards traversent le camp pour embrasser la douve et les tours d'un blanc crayeux, zébré de rouge par les strates de briques. Au-delà des murs, le chaos des toitures flamboie dans la lumière du soleil couchant. « Tu crois que demain, à la même heure, tout ça nous appartiendra ?» Homer ne répond pas. Il aurait honte d'avouer que les dimensions de cette ville le remplissent de terreur. Comment des êtres humains ont-ils pu construire une chose de cette taille ? Maher s'enthousiasme sur sa future maison, qui aura deux niveaux, et un jardin irrigué par des canaux et planté de poiriers et de jasmin. Sur la femme aux yeux noirs qu'il épousera, et sur ses cinq fils, sur la douzaine de trépieds qu'il possédera. Les trépieds, Maher en parle sans cesse. Homer, lui, pense à la maisonnette en pierre au fond du ravin, au fromage frais de sa mère, à grand-père faisant griller des pignons de pain, et la nostalgie le chavire. Au sommet d'une petite colline sur leur gauche, les pavillons du quartier du sultan ondulent sous le vent, protégé par plusieurs fossés et par un rempart de toile. Il y a des tentes pour toute sa suite, ses conseillers et ses argentiers, ses reliques sacrées et ses fauconniers, ses astrologues, ses savants et ses goûteurs, des tentes pour les cuisines et pour les toilettes, des tentes pour le recueillement. Près d'une tour de guet, on voit ondoyer le pavillon personnel du souverain, rouge et or, aussi grand qu'un bosquet. Homer a entendu dire que l'intérieur était peint aux couleurs du paradis, et il brûle d'envie de le contempler. « Notre prince, dans son infinie sagesse, a découvert une faiblesse, » dit Maher. « Une faille. Tu vois l'endroit où le fleuve entre dans la ville, là où les murs s'enfoncent à côté d'une des portes. L'eau s'y écoule, depuis la naissance du prophète, que la paix soit avec lui. Elle s'accumule. » Elle s'infiltre et ronge la pierre. Sur cette portion, les fondations sont déjà fragilisées. C'est par là qu'on va attaquer. sur toute la longueur des murailles, des sentinelles allument des feux. Homer s'imagine en train de franchir la douve à la nage, puis de gravir l'escarpement et d'escalader comme il peut le mur extérieur avec sa rangée de créneaux, avant de se laisser tomber sur le terrain nu, au pied de la masse colossale du mur intérieur, dont les tours font la taille de 12 hommes. Pour cela, il faudrait avoir des ailes. Il faudrait être un dieu. « Demain soir, » dit Maher, « demain soir, deux de ces maisons nous reviendront. » Le lendemain matin, on se livre aux ablutions et on récite des prières. Ensuite, les porte-étendards se fraient un chemin au milieu des tentes pour gagner les premières lignes, levant leurs drapeaux éclatant dans la lumière de l'aube. On entend claquer tambours, tambourins et castagnettes. Un charivari fait pour effrayer l'ennemi, autant que pour motiver les troupes. Homer et Maher regardent les artificiers. Beaucoup ont perdu plusieurs doigts ou portent des traces de brûlures à la gorge et au visage, préparer le canon géant. Leurs traits sont tendus par la peur qu'ils éprouvent sans cesse à manipuler des explosifs instables. Ils dégagent une odeur piquante de soufre et conversent à voix basse dans leur curieux dialecte, telle une assemblée de nécromants. Homer prie pour que leurs regards ne rencontrent pas le sien, pour qu'il n'attribue pas un éventuel échec à la tare de son visage. On a positionné les canons le long des 6 kilomètres de la muraille terrestre, répartis en 14 batteries, dont aucune n'atteint la taille de la bombarde qu'Homer et Maher ont aidé à transporter. On apprête également des engins de siège plus classiques, trébuchets, pierrières et catapultes, mais tous paraissent rudimentaires face aux canons polis et au noir des chevaux, des caissons et des tuniques tachées de poudre des artilleurs. Les nuages nacrés du printemps voguent dans le ciel, pareil au vaisseau d'une guerre parallèle. Le soleil qui monte au-dessus des toits de la ville aveugle momentanément les troupes. Puis, sur un ordre du sultan qu'un pan de voile dissimule, tambours et cymbales se taisent et les porte-enseignes lâchent leurs drapeaux. Les canonniers enflamment la poudre d'une 60aine de bouches à feu. L'armée entière regarde. Des bergers pieds nus qu'on a enrôlés de force, munis de faux et de gourdins, aux imams et aux vizirs, en passant par les suivants, les cuisiniers et les palefreniers, les fléchiers, les corps d'élite et les janissaires aux turbans immaculés. Les habitants de la ville regardent aussi, réunis par groupes espacés le long des murs intérieurs et extérieurs. Archers, cavaliers, moines, maçons, la foule des curieux et des imprudents. Les yeux fermés, Homer plaque ses avant-bras sur ses oreilles. Il sent la pression qui monte, le canon géant qui rassemble son épouvantable puissance, et pendant un instant, il prie pour que tout cela ne soit qu'un très long rêve dont il s'éveillera chez lui, adossé au tronc de l'arbre creux. Les canons tirent les uns après les autres en crachant une fumée blanche, secouée par la force de recul qui ébranle le sol, et une bonne 60aine de boulets s'envolent vers la cité, si rapide que l'œil ne peut en suivre la trajectoire. Des nuages de poussière et de pierres pulvérisées s'élèvent le long des remparts. Des fragments de briques et de calcaire tombent en pluie sur les hommes à 400 mètres de distance, et un grondement se propage parmi les troupes rassemblées. Lorsque la fumée se dissipe, Homer constate qu'une des tours du mur extérieur s'est en partie écroulée. En dehors de cela, les fortifications semblent intactes. Les canonniers versent de l'huile d'olive sur le canon géant pour le refroidir, tandis qu'un officier commande le chargement d'un second boulet de 500 kilos. Maher cligne des yeux, interloqué, et il se passe un bon moment avant que les clameurs s'atténuent assez pour qu'Homer entende le hurlement.